burning. The pussy is burning. Et ce mois-ci, j'ai gardé l'anniversaire. Là, c'est la Pride. Ce soir, c'est la Pride. Alors en conclusion, on se rappelle que le mot d'ordre cette année, c'est l'embrasement. Alors embrasons-nous. Juste pour les futurs, les priorités sur le futur, sans rien lâcher, sans rien laisser tout s'écouter. Soyez brillanteux, soyez convoyanteux, rayonnantes. Bonne marche à tous. Oh my God! Slay!